Il resta immobile, avec un grand air d'ébahissement. Elle éclata en sanglots et s'enfonça sa tête dans sa poitrine. « Est-ce que je peux vivre sans toi ?» Il tâchait de la calmer. Elle lui mit ses deux mains sur les épaules pour le mieux voir en face et, dardant contre les siennes ses prunelles vertes, d'une humilité presque féroce. « Veux-tu être mon mari ?»« Mais, » répliqua Frédéric, cherchant quelque réponse. « Sans doute, je ne demande pas mieux. » À ce moment, la casquette de M. Rock apparut derrière un lilas. Il emmena son, entre guillemets, « jeune ami » pendant 2 jours faire un petit voyage aux environs, dans ses propriétés. Et Frédéric, lorsqu'il revint, trouva chez sa mère 3 lettres. La première était un billet de M. d'Ambreuse, l'invitant à dîner pour le mardi précédent. À propos de quoi cette politesse? On lui avait donc pardonné son incartade? La seconde était de Rosanette. Elle le remerciait d'avoir risqué sa vie pour elle. Frédéric ne comprit pas d'abord ce qu'elle voulait dire. Enfin, après beaucoup d'embâches, elle implorait de lui, en évoquant son amitié, se fiant à sa délicatesse. À 2 genoux, disait-elle, vu la nécessité pressante, et comme on demande du pain, un petit secours de 500 francs. Il se décida tout de suite à les fournir. La troisième lettre, venant de Delaurier, parlait de la surrogation, était longue, obscure. L'avocat n'avait pris encore aucun parti. Il l'engageait à ne pas se déranger. « C'est inutile que tu reviennes », appuyant même là-dessus avec une insistance bizarre. Frédéric se perdit dans toutes sortes de conjectures et il eut envie de s'en retourner là-bas. Cette prétention au gouvernement de sa conduite le révoltait. D'ailleurs, la nostalgie du boulevard commençait à le prendre. Et puis, sa mère le pressait tellement. Monsieur Rock tournait si bien autour de lui et Mademoiselle Louise l'aimait si fort qu'il ne pouvait rester plus longtemps sans se déclarer. Il avait besoin de réfléchir. Il jugerait mieux les choses dans l'éloignement. Pour motiver son voyage, Frédéric inventa une histoire et il partit en disant à tout le monde et croyant lui-même qu'il reviendrait bientôt.